بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 40 dans l'explication de عقيدة السلف وأصحاب الحديث de l'imam الصابوني رحمه الله تعالى avec les commentaires de Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى. Et donc au dernier cours on expliquait les questions qui ont rapport avec al-shafa'a. Et on a clarifié également al-shafa'atul al-muthbata ou al-shafa'atul manfiya. On expliquait que al-shafa'atul manfiya, celle qui est niée, l'intercession qui est niée, c'est à propos des kuffar et des mushrikin, et que eux ne pourront pas profiter de l'intercession au jour de la résurrection. Comme Allah Azza wa Jal, il le dit dans le Coran, فَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Et الشَّفَاعَةُ الْمُثْبَتَةَ, celle qui a été affirmée, c'est l'intercession pour les musulmans qui sont morts sur le tawhid, mais qui avaient commis certains grands péchés. Donc eux, ils vont mériter l'intercession au jour de la résurrection. Donc on est arrivé à un point maintenant, le cheikh il explique différents types de shafa'a. Il dit, وَالرَّسُولْ صلى الله عليه وسلم له شفاعات له صلى الله عليه وسلم الحظ العظيم من هذه الشفاعات شفاعات لا يشاركه فيها أحد وهي الشفاعة العظمى وهي الشفاعة في إراحة الناس من ذلك الموقف العظيم حيث يذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة فيتدافعونها حتى تصل إليه عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها ويذهب فيخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه بمحامد يلهمه الله إياها في تلك المناسبة ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب فيريح الله الناس من الموقف أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني أمة محمد وغيرها من ذلك الموقف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم يمرون على الصراط فمنهم من يقع في النار ومنهم من يتجاوزه برحمة الله. Donc le cheikh explique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au jour de la résurrection, il aura la plus grande part de toutes les intercessions, parce qu'il y aura plusieurs intercessions qui auront lieu au jour de la résurrection, mais la plus grande part de ces intercessions là c'est une intercession qui appartient au messager d'Allah. Il a une série d'intercessions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a une série d'intercessions qui lui sont particulières. Personne ne partage ces intercessions-là avec lui. Et parmi ces types d'intercessions-là, celles dont on a parlé déjà dans les cours précédents, al-shafa'atul uzma, la grande intercession. Et ça, c'est l'intercession, c'est-à-dire pour que Allah Azza wa Jal commence le jugement dernier, pour que les gens puissent avoir un repos ou un répit, disons, parce qu'ils attendent pendant une très très très longue période sous le soleil et la chaleur. Et chacun d'entre les hommes se dirige vers les prophètes pour leur demander est-ce qu'ils peuvent intercéder auprès d'Allah. Parce que ce jour-là, personne n'ose s'adresser à Allah Azza wa Jal. Et ils vont donc aux différents messagers, en commençant par Adam, alayhi salam, ensuite Ibrahim, ensuite Moussa, ensuite Isa. Et chacun d'entre eux, ils se renvoient les uns à l'autre, l'un à l'autre, jusqu'à ce qu'ils viennent au prophète Muhammad, alayhi salat wa salam. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, cette intercession m'appartient. C'est-à-dire en voulant dire que c'est à moi de la faire. Alors, il va se prosterner sous le trône d'Allah Azza wa Jal et il commence à glorifier Allah par des invocations et il fait l'éloge d'Allah Azza wa Jal par des glorifications que Allah Azza wa Jal lui inspire à ce moment-là. Et puis Allah Azza wa Jal lui dit: ô Muhammad, lève ta tête, demande et tu seras donné, intercède et ton intercession sera acceptée. Alors il va lever sa tête et il va dire: ma umma, ô mon Seigneur, ma umma, ô mon Seigneur, ma umma. Donc son intercession, c'est pour sa umma, et donc non seulement pour sa umma, mais aussi pour tous les hommes ce jour-là, toute la création, parce que Allah Azza wa Jal va donner le répit à toute la création à partir de ce moment-là pour que le jugement commence. Et ensuite, plus tard, ils passeront, c'est-à-dire toute l'humanité va passer sur le pont qui est dressé sur l'enfer. Hein? Et parmi ceux qui traversent, il y en a qui traversent et qui vont arriver de l'autre côté, et il y en a d'autres qui vont tomber dans l'enfer. Donc il y en a qui sont sauvés et qui traversent par la grâce d'Allah et sa miséricorde, et il y en a d'autres qui tombent. La deuxième intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la suivante: الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة إذ الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة كما جاء في الحديث الصحيح آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. Donc le cheikh, il explique que la deuxième intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour rentrer au paradis. C'est-à-dire pour que les gens du paradis puissent entrer au paradis. Puisque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier qui rentre dans le paradis. Et comme c'est mentionné dans le hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmad et Muslim, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il dit: je vais arriver devant la porte du paradis et je demande qu'elle soit ouverte. Et le gardien de la porte me dit: qui es-tu? Alors je réponds: je suis Mohammed. Alors il dit, le gardien: c'est à toi qu'on m'a ordonné de n'ouvrir à personne d'autre avant toi. C'est-à-dire, on m'a ordonné de ne pas ouvrir la porte du paradis à personne d'autre que à toi. C'est-à-dire, personne avant toi. Et ça, c'est la deuxième intercession. La troisième intercession du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est une intercession particulière pour son oncle Abu Talib, à cause de son rôle particulier dans la protection et la défense du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le seul parmi les mushrikin, parmi ceux qui sont morts sur le shirk, qui auront le droit à ce type d'intercession là. Le cheikh il dit: shafa'atun khassatun fi 'ammihi Abi Talib idh yajiduhu fi a'maq an-nar fayashfa'u lahu fayasiru fi dahdahin min an-nar kama warada fi al-hadith wa huwa fi dahdahin min an-nar lawla ana lakana fi ad-dark al-asfal min an-nar wa fi hadith akhar ahwanu ahli an-nar 'adaban Abu Talib هو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه والعياذ بالله وهو أخف الناس عذابا لأنه كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحوطه ويحميه ويدافع عنه إلى أن مات ولكن ما وفق للإسلام مات وهو يقول على ملة عبد المطلب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعوه ويدعوه إلى أن حضرته الوفاة يعني دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية فقال أي عم قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله كلمة أحاج الله لك بها عند الله عز وجل. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى كان آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وما منعه إلا الكبر من خشية العار، ونعوذ بالله من الكبر، فمات كافرا وأدخل النار، فيشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجه من أعماق النار إلى ضحضاح فيها لا يدخل ولا يدخل الجنة، لأن الله حرم الجنة على الكافرين، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما قال وكما ورد في أحاديث أخرى. Donc la troisième intercession, c'est une intercession qui est spécifique au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à propos de son oncle Abu Talib. Puisqu'il va le trouver dans les profondeurs de l'enfer, alors il va intercéder pour qu'il pour que son châtiment soit allégé. Et donc il dit, il est dans une région de l'enfer. Si c'était pas de moi, il aurait été dans les endroits les plus profonds de l'enfer. Comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Et dans un autre hadith, il dit, la personne qui a le moindre châtiment, c'est-à-dire le plus petit châtiment en enfer, c'est Abu Talib, et il a des sandales qui lui font bouillir le cerveau à cause du châtiment sur lesquels dans lequel il est. Ses pieds sont sur des pierres et il a des sandales et ça lui fait bouillir le cerveau à cause de la chaleur. Et il pense qu'il n'y a personne pire que lui dans l'enfer, alors que c'est lui qui a le moindre châtiment. Et ça, c'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, selon Abdullah ibn Abbas. Donc, c'est pas suffisant juste que quelqu'un fasse du bien dans sa vie pour qu'il soit sauvé de l'enfer. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ça ce qu'ils disent. C'est pas important ta religion. L'important, c'est qu'est-ce que tu fais. Si tu fais du bien, c'est ça qui est important. Que tu sois juif, que tu sois chrétien, que tu sois hindou ou bouddhiste ou laïque ou athée, ça c'est pas grave. Ça c'est ce que des gens disent. Et souvent ceux qui disent ça, c'est des gens qui ont, par exemple parmi les francs-maçons, ils ont cette mentalité. Toutes les religions sont bonnes, ou bien c'est pas grave ta religion. L'important, si t'es bon, tu fais le bien, c'est ça qui est important. Or ça c'est pas vrai. Parce que si tu fais le bien, mais que ta foi elle est pas bonne, ta croyance, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas en accord avec ce que Allah Azza wa Jal a révélé dans le Coran et qu'est-ce qu'il a révélé à son messager. Eh bien, tes actions ne seront pas acceptées. Parce que pour que tes actions soient acceptées, il faut que ta aqida soit bonne. Il faut que ta croyance soit en accord avec la révélation de ce que Allah Azza wa Jal a fait connaître dans le Coran et dans la Sunna, et également dans les livres précédents. Si quelqu'un il est né avant la venue de l'islam et qu'il a connu un messager préalable à l'islam comme Isa ou Moussa ou un autre d'entre les messagers, Ibrahim, s'il a cru à ce messager là correctement et qu'il a suivi et qu'il a fait les bonnes œuvres, il sera sur le droit chemin, il sera sur l'islam. Parce que l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Donc, si tu as suivi un messager ou un prophète à l'époque, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que tu meurs sur ça, sur la foi en Allah seul et le tawhid, et que tu as fait le bien, là tu meurs sur l'islam. D'accord? Donc c'est ça. Mais si tu meurs avec des bonnes actions, comme Abu Talib, il a défendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne l'a pas défendu parce que c'est le messager d'Allah. Il a défendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est son neveu. Parce que c'est sa famille. Donc, ce n'était pas par foi en le message qu'il a défendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste par rapport à son lien, par rapport à la parenté, par rapport à sa famille. Parce que si c'était un étranger ou quelqu'un d'une autre famille, il ne l'aurait peut-être pas protégé ou défendu. D'accord? Donc, c'est, yani, des fois, c'est ça qui fait la différence. De l'intention. Pourquoi tu fais quelque chose? Quelqu'un peut faire, deux personnes peuvent faire la même action. Et il y en a un, Allah l'accepte, et l'autre, il ne l'accepte pas. Pourquoi? À cause de la réalité de l'intention de cette personne lorsqu'il fait l'action. Hein? Et donc, par rapport à ça, eh bien, Abu Talib, il n'a pas fait ça pour Allah. Et il n'a pas fait ça parce qu'il croit en le message de son messager. Malgré que on a rapporté de Abu Talib qu'il avait dit: "Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khayri adyan al-bariyati dina." Laula al-malamatu aw hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidhaka mubina. Ça c'est un poème qui est attribué à Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il récitait. Et il disait, dans ce poème-là, j'ai su que la religion de Muhammad, c'est parmi les meilleures religions du monde. Et il dit, et si c'était pas de la crainte que j'ai de me faire blâmer, ou de me faire insulter pour avoir abandonné la religion de mes ancêtres, alors je l'aurais déclaré ouvertement. Donc, c'est pour dire que il avait peur de ce que les gens allaient dire de lui. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ils sont comme ça. Ils ne vont pas accepter la vérité, non pas parce qu'ils ne sont pas d'accord que c'est la vérité, ils savent que c'est la vérité, mais parce qu'ils ont trop d'orgueil. Donc, à cause de ça, ils ne veulent pas que les gens disent « Ah, regarde lui, il s'est converti à la religion de son neveu. » il a suivi son neveu, comme s'il a abandonné la religion de ses ancêtres parce qu'il a suivi son neveu, en voulant dire c'est pas quelque chose qui est correct. Il y a des gens aujourd'hui qui sont comme ça. Si par exemple dans certaines cultures le père, c'est lui qui doit toujours montrer que c'est lui qui sait tout et c'est lui qui a toujours raison, et si son fils il devient musulman et que lui il écoute le message de l'islam, il voit que c'est la vérité, il ne veut pas l'accepter, pas parce qu'il ne sait pas que c'est la vérité, mais parce que, qu'est-ce que les gens vont dire ici? Ah, son fils il est devenu musulman, lui il est converti, lui aussi, il a suivi son fils. Comme si ça c'est la honte. Comment le père, il va se faire apprendre quelque chose de son fils? Ça c'est pas possible. Toi t'es petit, tu ne peux pas m'apprendre rien. Je sais plus que toi de la vie. Je connais mieux que toi l'expérience de la vie. Donc tu ne peux pas me montrer quoi que ce soit. Même la religion, ce n'est pas toi qui vas me montrer. Et c'est exactement l'exemple de Ibrahim alayhi salam, comment il a eu avec son père. Il a dit dans un verset que Allah Azza wa Jalla, il mentionne dans le Coran, il a dit, il m'est venu de la part d'Allah une connaissance que toi tu n'as pas reçue. Alors en voulant dire, yani, toi il y a des choses que tu ne connais pas à propos d'Allah, Allah me les a révélées. Donc même si tu es mon père, et moi que je suis ton fils, et que j'ai tout le respect pour toi, malgré ça, tu n'as pas la bonne connaissance à propos de la foi, à propos de la religion. Donc, moi je vais te montrer le droit chemin. Donc, accepte la vérité. Mais l'orgueil, des fois, il est trop fort. Et la personne, elle refuse d'accepter. Et ça, c'est ça qui est malheureux. Allah al-Musta'an. Donc, ici, on voit cet exemple. Et là, il dit, le cheikh, Il dit, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il défendait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il le protégeait jusqu'à sa mort. Mais il n'a pas eu le succès de se convertir à l'islam. Et lorsqu'il est mort, il a dit en dernier, je reste sur la religion de Abdul Muttalib, c'est-à-dire son père. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il l'invitait à l'islam. Et il l'invitait encore et encore, jusqu'à ce qu'il meure. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est rentré dans sa chambre au moment où yani, il était dans sa maladie de mort. Et il était yani, près de passer, yani, près de son décès, il allait mourir. Et il a trouvé près de lui deux parmi les têtes des mouchriquines, Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya. Et je crois qu'Abdullah ibn Abi Umayya, il s'est converti plus tard. Plus tard, il s'est converti. Mais Abu Jahl, lui, il est mort par la suite sur le shirk. Et il détestait l'islam et il détestait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors les deux ont dit... quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh mon oncle, dis la ilaha illallah, dis rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Je vais débattre pour toi, je vais argumenter en ta faveur pour cette parole si tu l'as dit auprès d'Allah. » Et Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya, tous les deux, ils disaient à Abu Talib « Vas-tu quitter la religion d'Abdul Muttalib ?» Chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit dis la ilaha illallah, eux ils disent vas-tu quitter la religion d'Abdul Muttalib comme des diables, hein, pour l'égarer, pour l'empêcher d'accepter la foi. Et les derniers mots qu'il a prononcés à la fin, c'est ça, il a dit je suis sur la religion d'Abdul Muttalib. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment là il a dit je vais demander le pardon d'Allah pour toi jusqu'à ce que cela me soit interdit. Et effectivement, par la suite, il y a un verset qui a été révélé et qui interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer pour les mouchriquines. Ça, c'est dans surat At-Tawbah. Donc le cheikh, il dit c'est l'orgueil et la crainte de la honte, hein, de l'embarras qui l'a empêché de se convertir, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous préserve de l'orgueil. Hein. Et donc il est mort mécréant, il entre dans l'enfer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, par pitié, il demande l'intercession pour lui, pour adoucir ou alléger son châtiment. Et donc il le fait sortir des profondeurs de l'enfer, vers un autre espace ou un autre endroit dans l'enfer, mais il ne va pas rentrer au paradis, car le paradis est interdit aux mécréants, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith rapporté par Ahmad et At-Tirmidhi, et Cheikh Al-Albani il a déclaré Hassan. Il dit personne n'entre au paradis excepté une âme croyante. D'accord. Ensuite, il y a une autre intercession aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va faire. Et le cheikh, il dit parmi ces intercessions-là, il y a la suivante. Il dit ثم بعد ذلك يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره شفاعات أخرى. Donc il y aura des intercessions autres qui seront faits par le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui seront faits aussi par d'autres que le messager d'Allah. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres prophètes qui vont intercéder aussi, et il y aura également des hommes pieux, des anges, et yani, des gens qui vont intercéder pour d'autres. Et le cheikh, il explique ce point-là maintenant, il dit « وَالشَّفَاعَةُ » الشفاعه في خروج عصاة الموحدين من النار فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش فيؤذن له في أقوام يعني يحدهم الله يحدهم الله الله سبحانه وتعالى له فيخرجهم من النار ومنهم من عنده مثقال دينار من إيمان ومنهم من عنده نصف مثقال دينار ومنهم من عنده مثقال حبة شعير من إيمان ومنهم من عنده مثقال ذرة إلى أدنى مثقال ذرة من إيمان وكذلك حدد الله للمؤمنين الشافعين في أقوام منهم من يكون عنده مثقال دينار ومثقال ذرة ومثقال إلى آخره فيشفع فيهم الأنبياء ويشفع المؤمنون ويشفع الملائكة ثم يقول الله تبارك وتعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط هذه رحمة أرحم الراحمين يعني كل هذه الشفاعات ترجع إلى رحمته سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم ولكن الكفار الذين كذبوا الذين كذبوه وكذبوا رسله وماتوا على كفرهم فهؤلاء لا تشملهم رحمة الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون فهؤلاء الكفار محرومون منها فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدنا برحمته وأن يجعلنا من أهل شفاعته نبيه صلى الله عليه وسلم وكلنا محتاجون إلى شفاعته عليه الصلاة والسلام وأشدهم حاجة العصاة أهل الكبائر يشفع فيهم صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يعني الشفاعة الأهم وهي هذه وإلا فهناك شفاعات شاملة لهم ولغيرهم donc le cheikh il explique que donc l'intercession qui est pour les péchés, il y a une autre intercession qui et ça c'est pas seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va la faire mais c'est pour les gens parmi les musulmans ou parmi les croyants qui ont fait des péchés et qui sont rentrés en enfer par la justice d'Allah à cause de leurs péchés, ils sont morts sur le tawhid, ils ont commis des grands péchés et ils sont rentrés en enfer pour être purifiés de leurs péchés et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour eux et il va se prosterner sous le trône et Allah va lui permettre d'intercéder pour ces gens-là. Alors Allah Azza wa Jal va les faire sortir de l'enfer et les faire rentrer au paradis. Il y en a parmi eux qui auront le poids yani d'un dinar. Un dinar, c'est yani, une pièce d'or. Hein, le poids d'une pièce d'or en foi. Donc ils avaient juste ça comme foi. Le poids d'une pièce d'or de foi. Et il y en a d'autres, ils auront seulement le poids de la moitié d'une pièce d'or de foi. Et il y en a d'autres, ils auront le poids d'une graine de céréales, comme une graine de blé ou de sha'ir. J'ai oublié qu'est-ce que c'est, à chaque fois j'oublie, sha'ir. Si c'est de l'orge, ou si c'est du blé, ou si c'est quelque chose de ce genre. Hein? Eh bien, il y en a qui auront juste ça comme foi, ce poids-là. C'est presque rien, mais c'est quelque chose quand même. Et il y en a d'autres qui auront encore plus petit que ça, une graine comme une poussière ou un atome de foi. Et Allah Azza wa Jal va les faire sortir de l'enfer pour ça. Hein? Il dit, et il y aura également des gens que Allah Azza wa Jal va faire sortir de l'enfer par l'intercession des croyants qui vont intercéder pour d'autres gens qui auront eux aussi le poids d'un dinar ou le poids d'un atome ou le poids de yani et ainsi de suite. Et il y aura les prophètes qui vont intercéder, il y aura les croyants qui vont intercéder, il y aura les anges qui vont intercéder. Et Allah Azza wa Jal va dire, comme c'est mentionné dans le hadith à ce sujet, sur l'intercession, Allah va dire, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé. Et il va dire, il ne reste plus maintenant que le plus miséricordieux des miséricordieux. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre une poignée des gens dans l'enfer et il va les faire tous sortir de l'enfer pour les faire entrer au paradis. Et il dit, et parmi ces gens-là, il y en a qui n'ont rien fait de bon. Il y en a qui n'ont rien fait de bon du tout. Et ça, c'est rapporté par yani, Abu Saïd al-Khudri dans le hadith au sujet de l'intercession. C'est un hadith connu et qui est authentique. Et aussi, le cheikh, il dit donc, ça c'est la miséricorde du tout miséricordieux, le plus miséricordieux des miséricordieux, c'est Allah Azza wa Jal. Et toutes les intercessions que Allah Azza wa Jal va permettre au jour de la résurrection, c'est à cause de la miséricorde d'Allah qu'elles vont avoir lieu. Parce que Allah c'est Ar-Rahman Ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ça fait partie de ses noms. Et le cheikh, il dit ensuite, « Walakin al-kuffar al-lazina kazzabu » Donc, les kuffars qui ont traité Allah Azza wa Jal de mensonge et qui ont démenti les messagers et qui sont morts sur la mécréance, ceux-là, ils ne pourront pas obtenir ou yani, être compris dans la miséricorde d'Allah. Malgré que Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 156, dans Surat Al-A'raf, ma miséricorde, il dit ce qui signifie, ma miséricorde enveloppe toute chose. Hein? Rahmati wasi'at kulla shay. Il dit, et je vais la prescrire pour ceux qui se sont préservés de mon châtiment. Bien entendu, ils ont eu la taqwa, parce qu'ils ont fait ce que Allah a ordonné. Et ils se sont abstenus de ce que Allah avait interdit. Et à cause de ça, donc Allah va leur offrir sa miséricorde. Il dit, ceux qui se sont préservés de mon châtiment et qui donnent la zakat, c'est-à-dire qui donnent de leurs biens et qui croyaient en mes versets. Donc ceux qui ne croient pas en ces versets, qui ne donnent pas la zakat, et qui ne se préservent pas d'Allah et de son châtiment en faisant ce qu'il ordonne et en s'abstenant de ce qu'il interdit, eh bien, ceux-là ne seront pas yani, parmi ceux qui méritent la miséricorde d'Allah. Donc, les kuffars sont privés de miséricorde au jour de la résurrection. Et il dit, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous couvrir de sa miséricorde et qu'il fasse de nous des gens qui pourront profiter de l'intercession de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons tous besoin de son intercession, alayhi salatu wa sallam. Et ceux qui en ont le plus besoin, c'est les pécheurs, les gens qui ont fait des grands péchés, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour eux. Comme c'est mentionné dans le hadith rapporté selon Ahmad, Abu Daoud, At-Tirmidhi, authentifié par Cheikh Al-Albani dans la Tahrij al-Sunnah de Ibn Abi Asim. Et il dit dans ce hadith, mon intercession, c'est pour les gens de ma Ummah qui ont commis des grands péchés. C'est-à-dire, la plus importante des intercessions, c'est celle-ci. Hein? Même s'il y a d'autres intercessions qui sont faites pour eux et par d'autres que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il termine ce chapitre en disant wa zakara al mu'allif rahimahullah fi hadha al fasl ay al shafa'a fi ahli al ma'asi hadith abi hurayra radiyallahu anhu qala ya rasul allah man as'adu an nas bi shafa'atika yawm al qiyamah فقال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك أي قبلك لما رأيت حرصك على الحديث وكان من أشد الناس حرصا على سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حفظه فهو كما يقال حافظ الصحابة يعني اعتنى عناية شديدة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يحفظها وكما قال هو نفسه رضي الله عنه كان إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق وإخواني الأنصار يشغلهم العمل في أموالهم وأما أنا فقد لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني يعني لازمه لا يريد تجارة ولا زراعة يحب سماع الحديث ويرضى بالقليل فحفظ شيئا كثيرا في مدة 3 سنوات فرأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرص على الحديث الشيء العجيب فقال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث يعني عنده حرص شديد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أجابه فقال إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه وفي رواية في بعض الروايات خالصا من قلبه وهذه تشمل أصناف المؤمنين يعني أهل الإيمان الكامل وأهل الإيمان الناقص من أهل المعاصي كلهم سعداء بشفاعته صلى الله عليه وسلم نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل شفاعته وأن يرحمنا بواسع رحمته إن ربنا لسميع الدعاء. Donc ça c'est la conclusion de ce chapitre. Le Cheikh il explique que l'auteur, l'imam al-Sabouni, il explique que dans ce chapitre, au sujet de l'intercession pour les gens qui ont commis des péchés, il mentionne le hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhu. Et ce hadith-là, il signifie, yani, que, en fait, Abu Huraira, il pose une question au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demande, ô messager d'Allah, quelle personne sera plus heureuse de ton intercession au jour de la résurrection? Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, yani, je ne pensais pas que personne me poserait cette question avant toi, à cause de ce que je voyais en toi, de ton désir pour apprendre le hadith. Et le cheikh explique que le prophète, Abu Huraira, il aimait beaucoup le hadith, il aimait beaucoup entendre les hadiths du messager d'Allah, c'est-à-dire les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il mémorisait tout ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait. Et il a mentionné lui-même, c'est-à-dire Abu Huraira, un exemple à ce sujet-là, hein, à quel point il était toujours avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mes frères parmi les muhajirines, ceux qui avaient émigré de la Mecque, qui ont cru à l'islam, à Mecca, puis qui sont venus émigrer à Médine avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là, ils étaient occupés par le commerce, hein, par les marchés, parce qu'ils faisaient du commerce et yani, ils devaient gagner leur vie comme tout le monde. Et donc, ils n'avaient pas le temps de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam toute la journée pour yani, apprendre. Alors, ils étaient occupés et il dit, tandis que mes frères parmi les Ansar, eux, ils étaient également aussi occupés avec leurs biens. Il dit, en ce qui me concerne, moi, je suis resté avec le messager d'Allah, ala mil et batni. Hein? C'est-à-dire, yani, même si j'avais pas le temps de me remplir le ventre ou de travailler ou de faire rien. J'ai décidé que je voulais pas faire ni de commerce, ni d'agriculture. J'aimais entendre les hadiths du messager d'Allah et j'étais satisfait du peu que j'avais. Hein? Alors je suivais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partout et je mémorisais tout ce qu'il disait et il a mémorisé une grande portion de la sunna en 3 ans, radiyallahu anhu, puisqu'il le suivait partout sans arrêt. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu sa motivation. Hein? Il a vu à quel point il était motivé pour le hadith et que c'était une chose étonnante. Alors il lui a dit, je ne pensais pas que personne demanderait cette question avant toi à cause de ta motivation, hein, pour entendre le hadith. Et il lui a dit, après avoir dit ça, il lui a redonné la réponse. Il lui a dit, la personne qui sera la plus heureuse de mon intercession au jour de la résurrection sera la personne qui a dit « La ilaha illallah » avec toute la pureté et la sincérité de son âme. Hein? Et dans une autre narration, sincèrement dans son cœur. Donc, ça comprend tous les musulmans, tous les croyants, que ce soit les croyants qui ont la foi complète ou les croyants qui ont une foi qui est faible parmi les gens qui commettent des péchés. Mais tous seront heureux de l'intercession du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il termine ce chapitre avec une invocation. Il dit, nous demandons à Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il fasse que nous soyons parmi ceux qui auront l'intercession du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous fasse miséricorde de son immense miséricorde. Certes, notre Seigneur exauce les invocations. C'est-à-dire, il entend l'invocation et il l'exauce. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et le prochain chapitre, c'est à propos de Al-Hawd wal-Kawthar. La foi, hein, Al-Iman ou Bil-Hawd wal-Kawthar. C'est-à-dire, la foi, hein, Al-Hawd, c'est la fontaine, une grande fontaine, un bassin immense que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, va avoir au jour de la résurrection pour sa Ummah. Et ils vont boire de cette fontaine. Et cette fontaine, elle est abreuvée par une des rivières dans le paradis qui s'appelle Al-Kawthar. Et elle coule, hein, depuis Al-Kawthar. Donc elle coule depuis le paradis jusqu'à ce bassin ou cette fontaine. Donc, on va expliquer les détails de ça au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.